Avoir un roulement de tambour, s'il vous plaît. Surprise. Il y a quelqu'un. Salut. Pourquoi t'es venu ici? Tout va bien. Alors il faut que tu sois honnête avec moi. J'ai hâte de voir ta tronche quand on l'aura dégoûté. Dis donc, t'as vachement bien géré. Et maintenant ou jamais. Ça ira mieux demain. L'émission. Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui. Accompagnez-moi. Ne laisse rien faire obstacle à ce qu'il fait vibrer. Soyez à mes côtés. Bienvenue au palais. Il n'y a rien que tu désires vraiment plus que tout au monde. Ça ira mieux demain. L'émission. Fadjet. Ça ira mieux demain. L'émission. Que la fête commence, les amis. Ouais bah les amis, la fête sera courte aujourd'hui puisque on a pu. On est moins en retard que d'habitude hein. Oh oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah, d'habitude on déborde plus. Oui, c'est vrai. Soulignons. Vrai. La semaine dernière, j'ai plus débordé. Certes. Mais t'étais tout seul, tu faisais ce que tu voulais. Bon, alors parlons peu, parlons bien. Tout de suite, le coup de cœur de Manon. Hein, rappelez-vous, on va pas refaire le débat et le chapitre, mais le single, le nouveau single de Justin Timberlake qui est sorti hier, ça s'appelle Selfish. Rappelez-vous que Justin Timberlake est surnommé le, pour un point bonus, poisson. Le Justin Timberlake, le dragueur. Michael Jackson blanc. Ah, ah bon? À un okay. moment donné, parce que si on y avait la voix et tout. Depuis, on a eu le Michael Jackson coréen. Ah. C'est qui le Michael Jackson coréen? Jungkook. Jungkook. On est bien. Moi, je connaissais Jungkook Fufu. Mais et le roi du Kung Fu, oui. Oh, c'était bien ça. Ouais, il rentrait dans le tiroir, il ressortait en kimono. Ouais, en kimono. Ça, c'était bien ça. Faudra faire un. Oui. La semaine prochaine, si tu veux. Tu pourras faire un cultissime là-dessus. Ouais. Oh, c'était trop bien. Voilà. Bref. Et donc, il a ressorti un nouveau single aujourd'hui. Ça fait très longtemps qu'il n'avait pas fait de choses. Alors, vocalement, c'est une très jolie balade. Ça fait pas trop Michael Jackson, mais je vous invite à regarder le clip. Ça fait Michael Jackson. Et vous verrez qu'il y a toujours cet esprit Michael Jackson et les petits pas que faisait Michael. Bah, même quand la chanson, tu te dis, ça fait pas 100% Michael Jackson, il arrive quand même à faire un petit, les petits pas de danse qu'il sait si bien faire aussi, lui. Voici oui. Justin Timberlake et son nouveau titre. Et je cours sur Internet car vous savez que je suis un fan absolu. Et Selfish, ouais. Que Manon pourra me traduire facilement. Pour soi. D'accord. C'est... J'ai plus le mot. Ça veut pas dire poisson salé, non? Non, c'est avec soi-même. Mince, je sais plus. J'adore, je valide. Selfish, poisson pané, contraction salé, de sel. Salé. Poisson pané. C'est égoïste, salé. Voilà, égoïste. Poisson salé. Parce que sel, ça s'écrit S-E-L et fiche le poisson. Donc, Laurent fait du franglais et de... Oh là là, on est fatigué, hein, ça y est, 19h. Non mais moi je suis mon public, ça j'achète. Vous avez pas dit selfish. Oh là là. Tu vois ça, je suis poissonnier, et la nana elle te donne, bah oui je vous donne du hareng. Bref. Mais c'est pas excuse-moi, possible. Excuse-moi Manon, tu nous as rattrapé égoïste. Égoïste, voilà. C'est bien sûr la traduction du nouveau Justin Timberlake. Tu comprends le désarroi de ma prof d'anglais en bac. Non mais moi je suis désolé, je suis trop bon public. Moi j'achète, c'est peut-être bête. Et vous vous dites derrière votre poste, mais qu'est-ce qu'ils sont? Mais ça fait du bien. Pas que derrière, moi aussi je le pense. Tu le penses peut-être aussi, mais toi t'as pas intérêt parce que je te rappelle que je suis ton père. Et surtout, tu peux rentrer à pied. Et de Fadjet attaché, toi, ça fait une trotte. Allez, Justin Timberlake, vas-y, on a assez parlé. What? I ain't never letting you So if I get jealous, I can't help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish. It's bad for my mental, but I can't fight it. When you're out looking like you do, but you can't hide it. No, put you in a frame. Oh, baby, who could blame you? Glad your mama made you. Making me insane. You cannot be explained. Ooh, you must be an angel. Every time the phone rings, I hope that it's you on the other side. I wanna tell you everything, everything that's on my mind. And I don't want any other guys taking my place, girl, I got too much pride. I know I may be wrong, but I don't wanna be right. Cause your lips were made for mine, and my heart would go flatline if it wasn't beating for you all the time. So if I get jealous, I can't help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish. It's bad for my mental, but I can't fight it. When you're out looking like you do, but you can't hide it. No, put you in a frame. Oh, baby, who could blame you? Glad your mama made you. So if I get jealous, I can't help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish. It's bad for my mental, but I can't fight it. When you're out looking like you do, but you can't hide it. No, put you in a frame. Oh, baby, who could blame you? Glad your mama made you. Voilà, égoïste. Mais il n'est pas. Il est, tu aimes bien ? Ouais, j'aime bien. Et ben voilà, c'est le nouveau Justin Timberlake, donc ça aurait pu être le coup de cœur de Manon. En fait. Effectivement. Merci. Effectivement. Même si ça peut pas être le coup de cœur de. Non, non. T'aimes pas ? Hein ? T'aimes pas ? C'est pas ma tasse de thé. Ok. Bon, écoute, prends du café et puis voilà, c'est tout. Hein, pas... Non, mais j'ai jamais été capté par Justin. Oui, oui, non, mais pas de souci. Voilà, aucun problème. Hein. Ah, bah oui, je m'en doute. Hein. Alors, dans l'émission qui va être version raccourcie, mais je voudrais revenir sur l'émission de la semaine dernière qui n'était pas la mienne, mais qui, comme Laurent s'est touché, alors je ne sais pas s'il a fait exprès, mais. Il a ouvert une brèche d'une série que je n'aurais peut-être pas mise en avant. Et du coup, comme lui a pointé du doigt cette série-là, moi je m'attendais à avoir la bande-annonce et j'ai dit, il n'y a pas la bande-annonce. Et je vous propose donc la bande-annonce. La série, c'est Criminal Record. Criminal Record, Manon, que l'on traduira facilement par... Enregistrement de crimes. Non, les dossiers criminels, tout simplement. Ah. Mais c'est vrai que ça fait bien Criminal Record. En français, ça fait dossier criminel. Ça fait un peu plat comme nom de série. Ils auraient pu trouver au mieux, mais bon. Alors, je tiens à préciser que c'est la faute du chauffagiste. Hein. C'est pas de mon ressort. Hein, qu'on n'a pas eu la bande-annonce la semaine dernière. Ah. Le chauffagiste est passé. Le chauffagiste est dans le titre. Mais donc, voilà. Et donc, c'est une série... intrigante. On écoute la bande-annonce et on en reparle un petit peu. On va pas refaire le match qu'a fait très bien Laurent la semaine dernière, mais voilà un petit bonus concernant la semaine dernière et Criminal Record, cette série d'Apple TV+, disponible sur Canal. Dites ce que vous m'avez dit. Je l'ai tué. Daniel Egarty. June Lenker, merci de me recevoir. J'enquête sur un appel téléphonique. Louise, écoutez, il a essayé de me tuer. Qu'est-ce que je peux faire ? C'est au sujet d'une ancienne affaire sur laquelle vous avez travaillé. Il y a longtemps, mon petit ami, il lui a donné des coups de couteau. Vous êtes au courant qu'il a avoué ? Imagine qu'il est innocent. Cette enquête a été diligentée de façon juste. Qu'est-ce qu'il a à cacher ? Laissez-le tranquille. Egarty est un des meilleurs. Certaines choses ne s'apprennent pas. Et parfois, si on décide d'aller plus loin, il n'y a aucune honte à ça. On a eu le coupable. Non, vous avez eu des aveux. On doit couvrir nos arrières. Elle nous colle vraiment au train. Il cherche la bagarre, apparemment. C'est dans mes cordes. C'est lui que j'ai vu. T'es une victime collatérale. Connaissez-vous la différence entre l'ordre et le chaos ? Vous allez m'en empêcher ? Exact. Rapidement, une erreur judiciaire à Londres et 10 ans après la mise en prison d'un homme noir, une jeune policière affectée aux affaires familiales par ses supérieurs en raison de sa sensibilité féminine découvre par hasard que cet homme pourrait ne pas être coupable. Elle va partir normalement, parce qu'elle a sa conscience pour elle, partir en référé à l'ancien policier qui a mené l'enquête à l'époque, 10 ans plus tôt. Et elle va lever pas mal de lièvres, puisque ce flic qui est respecté et très respectable apparemment, a des choses à cacher. Et c'est un duo, presque un duel, parce que ces deux personnages vont en venir à réaliser plein de choses et vous le découvrirez. Tous les mercredis, un épisode par semaine, tous les mercredis sur Apple TV+. Tu parlais, car tu es fan ou tu as apprécié dans de nombreuses séries l'actrice Cush Jumbo. Oui, oui, moi je l'ai découverte dans The Good Wife. Et dans The Good Fight, elle est excellentissime. Et dans cette série, elle est magistrale. Alors je l'avoue, quand je vois l'info arriver, le premier nom qui me tilte, c'est Peter Capaldi, le fameux Dr. Who. Oui. Mais ce nom est accompagné d'une des photos de la série, et c'est là où je vois Cush Jumbo, et tout de suite ça fait tilt. Et tu l'as dit aussi, Peter Capaldi, qui n'est pas un inconnu, puisque c'est un des Doctor Who dont on parlait tout à l'heure avec Manon. Et voilà, et donc 4 épisodes ont été diffusés, j'ai vu les 4. J'ai rattrapé mon retard. Alors c'est vrai, c'est une enquête policière dense et sombre. Je suis pas sûr que tu serais fan, Laurent, parce que c'est... Mais elle, comment elle est... Elle est magistrale. Oui. Les deux jouent magnifiquement. Oui, Peter Capaldi, on le présente plus. Mais elle, qui n'est pas vraiment connue... Et elle en prend plein la gueule, si vous me permettez l'expression, parce que rien ne lui est épargné. Et pour l'instant, elle tient le coup. Elle est avec son mari. Ils sont unis et ils essayent de faire face à ce qui certainement, alors on ne sait pas, on n'est qu'au 4e épisode, il y en a 8 je crois, et donc on avance petit à petit dans l'intrigue tous les mercredis soirs, donc tous les mercredis un nouvel épisode sur Apple TV+. C'est ça, il y en a 8. Et donc voilà, encore donc 4 semaines avant d'avoir le dénouement de cette série. Mais franchement, si vous aimez les ambiances sombres londoniennes, si vous aimez les enquêtes policières un petit peu particulière, et ce film, cette série plutôt est faite pour vous, et je remercie donc Laurent de me l'avoir un peu pointé du doigt, car c'est une très belle découverte et j'ai passé un très très bon moment grâce à lui. Eh bien, un grand merci à toi de m'avoir laissé les rênes de l'émission. Ça m'a poussé à faire des recherches pour essayer de faire une ambiance Benoît, et je me suis dit tiens, ça pourrait le faire. Ah bah c'est clair, tout à fait, très bien. On change d'ambiance, on change de style, et ça c'est une découverte commune, Manon, un peu au hasard, on va dire. C'est moi qui te l'ai proposé. Oui, mais ça me donne envie. Un petit peu au hasard, et on va partir de l'Angleterre. On va où ? On part ? En Espagne? Non, c'est... Je sais plus. Au Mexique. Au Mexique. Oh, c'est pratiquement pareil. Oui, ils parlent la même langue. C'est vrai, voilà. Je te l'accorde. C'est loin, quoi, le Mexique. C'est pas tout à fait le même continent. C'est la même langue. C'est la même langue. Tu es américaine? Parce qu'apparemment, les Américains ne savent même pas où est New York. Donc, c'est une série mexicaine qui s'appelle... Gabriel et son niñero. Alors, Gabriel et ses petits démons. Gabriel et ses démons. C'est le nom français parce que... dans la version originale, donc au Mexique, ça s'appelle Gabriel y su niñero. Non, El Niñero. Non, ah c'est oui? El Niñero. Non. En fait, c'est le générique que je chante. Oui, tu chantes le générique, mais on l'entend une fois là dans la tête pendant 5 jours. Donc en espagnol, il s'appelle El Niñero. Ça veut dire le nounou. Le nounou. Et en anglais, je sais pas. Je m'aurais plus, enfin la nounou en anglais. La nounou. Mani. J'ai pas entendu ce que tu disais, Laurent. Madame Doubtfire. Ça aurait pu être ça aussi, mais c'est pas tout à fait ça. Donc voilà, c'est une ambiance complètement délirante. C'est un peu ambiance telenovela. Ok. Tu te rappelles les telenovelas brésiliennes? Oui. Je me rappelle surtout du doublage qui est en décalé avec les mouvements des lèvres. Bon là. On est sur Netflix, on est en 2023-2024, donc là c'est un petit peu, on a un peu changé. C'est calibré. C'est quand même plus calibré. Alors c'est assez critiqué. Moi je pensais trouver plein de critiques positives, et en fait en recherchant, les gens se moquent un peu de l'histoire qui aurait pu être un peu plus travaillée. Bon, certes, c'est basique. En deux mots, Manon, l'histoire. C'est un monsieur qui... C'est d'abord une femme mariée qui est divorcée, qui a des enfants, mais qui veut reprendre sa vie en main, et donc qui n'a pas le temps de... Voilà, qui est une femme d'affaires et qui n'a pas le temps de s'occuper de ses enfants. Et donc elle a décidé, eh bien, de rechercher quelqu'un, une femme de ménage, enfin une nounou, enfin quelqu'un qui... En fait, les nounous des gosses se barraient, enfin genre... Voilà, et parce qu'elle a des enfants un petit peu difficiles, et aucune nounou ne résiste aux enfants de cette brave dame. Et donc, par un hasard... C'est pas un si grand hasard que ça. Oui, enfin voilà. Non, c'est pas vraiment un hasard. Au départ, on croit que c'est par hasard. Mais donc, un homme se présente pour s'occuper de ses enfants. Et c'est le démarrage de cette histoire. Et on écoute la bande-annonce. Bonjour madame. Le jardin a besoin de vous, mais je dois... Non, je pensais que le boulot c'était de garder les petits. T'as un nounou ? Vive la modernité ! Moi, je vois rien de mal à son sujet. Il peut s'occuper de moi sinon. Tu peux pas avoir de sentiments s'il travaille pour toi. Léon le magnifique ! Bravo ! Waouh. Joaquin, mon ex-époux. Vous allez goûter à mes œufs maintenant. Je t'aime. J'ai jamais cessé de t'aimer. Mais je veux pas qu'il divorce, moi. Depuis que vous êtes ici chez nous, tout va pour le mieux. Arrête, ma belle. Avoue qu'il te plaît grave. Cette femme, c'est la femme idéale. Mais bon, en même temps, c'est pas la bonne du tout. Je te fais rentrer chez les Lemos pour sauver le ranch de ton papa. Je crois pas qu'un cow-boy puisse être le nounou de mes enfants. Bon, le prenez pas pour vous, Gabriel, mais la vérité, c'est que tout ça, ça va pas le faire. Vous pouvez reboutonner votre chemise, j'ai un peu de mal à rester concentrée. Quelle horreur, on va être trempés! Entre vous et moi? Oui. Non, y a rien. Rimena doit pas savoir qui je suis. Voilà, donc vous avez compris, si vous êtes attentif à cette bande-annonce, que ce fameux nounou, entre guillemets, n'est pas venu par hasard, parce que c'est un cow-boy et il vient parce que l'entreprise de la dame en question, eh bien, liquide des fermes, et la ferme du père du fameux cow-boy est en liquidation, donc il vient pour essayer de sauver la ferme de son père. Et donc, mais vous avez compris que, bien sûr, entre le super cow-boy et la belle chef d'entreprise, il va y avoir une petite amourette dans l'air, sous les yeux du mari, enfin de l'ex-mari, qui ne voit pas d'un très bon œil qu'un nounou vienne s'occuper de ses enfants. Alors, en fait, ça reprend la trame des histoires des téléfilms à l'eau de rose des après-midi. Voilà. Une femme d'affaires qui est là pour liquider une entreprise et un beau mec qui va essayer de la draguer pour essayer de sauver sa boîte. Voilà, mais je trouve que... Oui, Non, mais tu commences, tu peux pas t'arrêter. C'est ça. C'est le genre de truc... C'est bien fait, cette série. C'est... Tu vois, ce serait bien que tu jettes un petit coup d'œil pour voir. C'est franchement... C'est pas prise de tête. Après une journée de boulot, c'est très très agréable à regarder. Et on espère une saison 2 parce que la fin est un peu. Voilà, ça peut laisser. Ouverte. C'est assez ouverte. Et puis en plus, tu vois, c'est le beau mec cow-boy. Et puis il fait pas. Il a une particularité, c'est qu'il a toujours avec lui un petit cochon. Il a un animal de compagnie, c'est un petit cochon. Et il trimballe un petit cochon avec lui. Et c'est sympa pour les enfants. Ok. Voilà, donc c'est pour te dire. C'est très. C'est très amusant. Alors, voilà, il y a beaucoup d'humour dans cette série. J'en ai parlé avec mes collègues aujourd'hui, ce matin, en bossant. Oui. Il y a une charte à respecter. Si je commence à regarder cette série. Ah non, mais le cochon. Tout peut arriver, mais sauf la mort du cochon. Ah non, le cochon n'est. Ah non, le cochon n'est. Il est pouponné, le cochon. Oui, voilà, donc. D'accord. C'est vraiment le petit cochon. Voilà, à cul en tire-bouchon, il est bichonné. Non, mais même si après, il est plus aussi Bah pour l'instant, petit, il n'a pas grossi. Voilà, hein, donc... même s'il est plus petit, on s'en fout, hein, il reste vivant. Non, mais voilà. Donc c'est... Et donc, en plus, il y a un super générique. Ah. Les images du générique sont magnifiques. Est-ce qu'on a le générique ? Et on a le générique. On a la chanson du générique. Et comme Manon disait, une fois qu'on a ça, on a la chanson dans la tête. C'est signé Sandra Echeverria. C'était pas facile à la récupérer, hein, parce qu'il y a, voilà. Et... Par contre, inconvénient, il est long, le générique. Il est long. Voilà, c'est-à-dire qu'il fait au moins 3 minutes, presque la durée du... Oui, là, c'est presque la chanson en entier dans le générique. Bah, c'est. Et c'est, il est effectivement décoré. Et c'est comme un dessin animé. Donc, on voit le cochon en dessin animé, le cow-boy en dessin animé, enfin en image animée, un peu comme Ma Sorcière Bien-Aimée. Okay. Vois, dans l'esprit là. Ok. Un peu comme ça. Et donc la chanson, elle dit quoi ? C'est une chanson qui a été faite exprès. Hein, oui. Et elle raconte l'histoire de Gabriel et de ses. Niñeros. Et ses niñeros. Et ses petits démons. Puisque, comme ils sont assez terribles, eh bien, ils font passer des bons moments. Ok. Voilà le générique pour finir cette émission. On se dit au revoir après quand même. Su nombre es Gabriel Arete, su compañera. Ellos van pa' Guadalajara, pero no saben qué les espera. Ellos andaban buscando chamba, mas no sabían que les iba a cambiar la vida entera. Jimena trabajadora y mamá guerrera, busca ser la que va a mandar en el negocio la mera mera. Pero sus tres morritos son cosas. Y aquí es donde llega Gabriel a ser el héroe de la comedia. Ellos no saben, pero la vida los puso juntos para darle fin a todos sus problemas. No hay nada que no arregle un buen lazo. Y aunque intente, nada va a pararlos. El amor gana siempre al final. Y Gabriel lo quiere comprobar. Nunca hay nada imposible para un ranchero. La cosa, él con más ganas entra en el ruedo, viene con todo, muy a su modo, y no se olviden que abre su nombre alias el niñero. Tiene fe de que las pueda. Para la mala o buena suerte de Jimena. destino los puso juntos y cambiar el mundo es la misión que a ellos les espera. No hay nada que no arregle un buen lazo y aunque intente nada va a pararlos. El amor gana siempre al final y Are lo quiere comprobar. Nunca hay nada imposible para un ranchero. Entre más difícil la cosa, él con más ganas entra en el ruedo. Viene con todo, muy a su modo. Y no se olviden que abre su nombre alias el niñero. Voilà, c'est beau, hein, une belle petite musique espagnole et tout. C'est... Ça, c'est pas espagnol. Ça. C'était ça ira mieux demain l'émission. On va se quitter là-dessus, hein. Oui. En ayant conseillé à Laurent de regarder cette série, et on en reparlera dans les semaines à venir. Mais on a beaucoup de retard, hein, parce que avec le retard qu'on a pris aujourd'hui, commence aujourd'hui sur Canal+ également tous les vendredis. Masters of the Air, la nouvelle série spectaculaire au cœur des combats aériens de la Seconde Guerre mondiale. C'est quand même signé Steven Spielberg en production et Tom Hanks. Ah, il fait toujours des séries. Et voilà. Et donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait déjà fait Band of Brothers ou The Pacific. Alors, c'est une nouvelle série. Apparemment, c'est vraiment superbe. Des images magnifiques. L'ambiance de cette Seconde Guerre mondiale. On va un peu retrouver l'ambiance d'un peu des têtes brûlées aussi à l'époque, rappelez-vous, pour ceux qui connaissent. Papy Boeington et tout. Donc c'est vraiment, ça commence aujourd'hui. Il y a déjà deux épisodes qui sont arrivés pour démarrer. Et il y en a donc rendez-vous tous les vendredis. C'est aussi sur Apple TV+, disponible bien sûr sur Canal+. Et ça commence aujourd'hui. Voilà, donc on aura l'occasion d'en reparler de cette série qui s'annonce être spectaculaire. Une série, à mon avis, pas très gaie non plus, hein, puisque dans cette période-là... Seconde Guerre mondiale. Ça va pas être... Mais encore des belles ça histoires humaines. Ça rentre tout pile dans mon programme de terminal, on est en train de voir ça. Eh ben, tu vois, je t'invite ce soir à regarder Masters of the Air. D'ailleurs, à un moment donné, si vous avez l'occasion de redécouvrir Les Têtes Brûlées de Stephen G. Cannell avec Robert Conrad dans le rôle-titre, ne passez pas à côté. La série n'a pas pris une ride. C'est toujours aussi... prenant, passionnant, et on a aussi le bonheur de retrouver Dana Elkar, qui plus tard sera le patron de MacGyver. C'est vrai qu'il y a une pléiade d'acteurs là-dedans qui valent le détour. On a aussi celui qui deviendra Rick aux côtés de Tom Selleck dans la série Magnum. Exact. On a une pléiade d'acteurs que plus tard on retrouvera dans différentes séries. Donc vous aimez ce thème, si ça vous intéresse, de la Seconde Guerre mondiale, vous pouvez aussi regarder Les Têtes Brûlées de Stephen G. Cannell. Merci de cette précision. On se retrouve la semaine prochaine avec Laurent dès 18h. Et puis à 19h pour Ça ira mieux demain l'émission. Et puis moi je vous retrouve dans... La semaine prochaine il y a Laurent, mais il n'y a pas Manon. Ah! Oh, mais si! Oh là là! On n'a pas Manon? Mais si! Mais comment on va faire? Il m'a pas annoncé! Qu'est-ce que c'est susceptible? Non, parce que tout de suite tu m'as fait peur! Mais non! On n'aurait pas de Manon série quiz! Ouais, c'est moi qui fais les questions du Manon Série Quiz. Ouais, d'accord. On sait qui va gagner. Il se met tous les points avec. Donc, je disais, parce qu'avant qu'on m'interrompe, encore une fois. Mais il faut annoncer Manon, tu n'as pas annoncé. Dans une vingtaine de minutes, le Hot 40. Édition 4102. Bon, au revoir à tous. Oui. Je serai bien là la semaine prochaine. Merci bon de week-end. Cette précision. Et nous serons en février. Hein. On fera sauter les crêpes. On sera le 2, ça sera la Chandeleur. Allez. Bon week-end, bonne semaine à l'écoute des programmes de Fadjet. On vous embrasse très fort. Allez, à la semaine prochaine. À tout à l'heure. Bisous.